Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange, magazine qui parle bien évidemment de différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui revient assez profondément, mais de gouvernement en gouvernement, on essaie de se l'approprier, on essaie de mettre des mesures en place, et justement, on va en parler. C'est le sujet, le problème du tabac. Et face à cela aussi, il y a la cigarette électronique, donc on aimerait avoir certains éclaircissements et quelles en sont les conséquences. Et mais aussi, on va parler des BPCO. Hein, donc voilà. Et pour ce faire, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Yves Martinet, qui est pneumologue en retraite, qui est président de l'Association nationale contre le tabagisme. Bonjour professeur. Bonjour. Alors au cours de votre carrière, je pense que vous avez dû voir beaucoup de choses, et les évolutions, mais beaucoup de pathologies, beaucoup de choses. Alors la pathologie, ça manque pas. En particulier, on attaque dans le vif du sujet le cancer du poumon. Et malheureusement, il faut savoir que la survie du cancer du poumon aujourd'hui est la même qu'il y a 30 ans. Donc, on n'a malheureusement pas trop avancé dans ce domaine. Et à côté de nous, toujours sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir M. Claude Bramberger, qui est président de l'association EDUS. EDUS, c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Bonjour Claude. Bonjour. Qui a fait l'effort de venir de Paris pour venir nous voir, qui est d'origine, en discutant, en préparant l'émission, originaire d'Alsace, nos amis que l'on salue parce que nous sommes écoutés aussi là-bas, mais aussi sur Paris, mais aussi sur notre grande région et un peu partout en France. Alors, vous, Claude, vous travaillez aussi au niveau national pour habiliter, pour, comment on pourrait dire, pour défendre la cigarette électronique et aussi sur les programmes de mise en place, on va en parler au cours de l'émission, d'un point de vue législatif. Tout à fait. Alors, l'EDUS, c'est une association de consommateurs, donc ça représente les utilisateurs de cigarettes électroniques. On fait deux grandes choses. La première, c'est comme toute association de consommateurs, travailler sur la qualité des produits, travailler sur l'accessibilité des produits pour les consommateurs. La deuxième, qui est un peu plus originale et qui, on l'espère, est momentanée, malheureusement, ça fait quelques années là, c'est de devoir lutter pour les droits des utilisateurs à utiliser le produit. Une particularité de la cigarette électronique, c'est que une grande majorité de ces utilisateurs aujourd'hui sont des ex-fumeurs, voire des encore fumeurs qui réduisent et qui vont vers éventuellement arrêter de fumer. Donc à ce titre, on travaille et on participe aussi à des efforts de lutte contre le tabagisme. Mais dans un cadre, là, pour ces utilisateurs-là, ces utilisateurs en transition de sortie du tabac, de tout ou partie de leur tabagisme, qui est une très bonne idée. Alors, le tabagisme, c'est vraiment dangereux. Oui, voilà, nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, en préparant l'émission avec le professeur Martinet, on l'a dit, hein, c'est que, rappelez les chiffres, les dernières études qui sont sorties, la première cigarette, professeur. Alors des chiffres simples, d'abord le nombre de morts par an, parce que c'est 200 morts par jour, soit 83 000 morts par an. C'est 83 000 personnes qui meurent de façon prématurée, qui auraient vécu en moyenne 15 ans de plus si elles n'avaient pas fumé. Donc on voit bien que c'est énorme. La première cigarette, eh bien c'est la cigarette qui peut tuer. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister auprès des jeunes pour ne pas même fumer une cigarette. Eh oui. Il est démontré maintenant que sur des fumeurs qui ont fumé une cigarette simplement, deux tiers deviendront des fumeurs quotidiens. Donc c'est une drogue dure. Je rappelle que le tabac est une drogue dure. C'est beaucoup plus dur d'arrêter le tabac que d'arrêter l'héroïne. L'héroïnomane, c'est des petits joueurs par rapport au toxicomanes qui fument du tabac, qui ont beaucoup plus de difficultés à arrêter. Ça ne veut pas dire que je suggère de consommer de l'héroïne, mais, oui, bien mais sûr, je veux dire bien qu'il sûr, faut... C'est pour faire un comparatif. Voilà, il faut comparer, et là... Mais tout le monde le sait. Moi-même, j'ai été fumeur. Je sais bien que c'est très difficile de l'arrêter. Et demandez à tous les fumeurs autour de vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux tiers des fumeurs qui ne souhaitent qu'une chose, c'est arrêter de fumer. Vous leur demandez dans la rue, vous en prenez 100, vous en avez 65% qui vous disent « Moi, ce que je veux, c'est arrêter de fumer. Ben, » pourquoi vous n'arrêtez pas? Je n'y arrive pas. Voilà. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est une drogue dure. Donc, il faut arrêter de parler du tabac. Il faut parler de la drogue tabac. Oui, il faut utiliser des termes choquants, marquants à l'esprit, pour justement, de telle sorte, pour éviter que les personnes ne commencent, que les jeunes commencent. Ce n'est pas un terme choquant, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Donc, utilisons les termes qui correspondent. Adapté. Quand il y a un mort sur la route, eh ben, la personne, elle est morte. Voilà. Eh bien, il y a 83 000 morts du tabac. C'est une drogue dure. On n'arrive pas à s'en sortir, il faut donc ne pas y entrer. Sans compter après les risques en aval, cardiovasculaires et autres, dont on parlera, parce que, alors moi ce que je vous propose, nous avons en ligne monsieur Michel Vicaire. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Alors normalement, justement, toi tu es président de l'association des insuffisants respiratoires de l'Est, tu fais partie de la Fédération française des associations et amicales de malades des insuffisances et insuffisants ou handicapés respiratoires. Oui, c'est bien ça Michel. Je préside aussi. Voilà, effectivement, parce que tu as beaucoup de fonctions. Alors, tu devais être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement sur le plateau. Et puis, bien, tu es victime de BPCO. Tu vas nous expliquer un peu ça, parce que pour commencer l'émission, ça serait très bien d'avoir justement ton témoignage. Et pour après, ben, on t'invite après à rebondir aussi lors de nos entretiens, nos conversations, nos échanges. Alors, Michel, toi, tu as été un fumeur. Explique-nous. J'étais un fumeur, un gros fumeur. J'ai commencé... Allez, à l'adolescence, un peu dépassé légèrement. J'ai continué largement pendant mon service militaire à être alimenté par l'État d'ailleurs, oui. Une cartouche de cigarette par mois. Et naturellement, ben, j'ai tombé dedans et j'ai continué jusqu'à terminer il y a une quinzaine d'années à 3 paquets de cigarettes par jour. Et là, j'ai dit stop, sans tenir compte de la maladie. Je me suis arrêté parce que, bon. Je trouvais ça ridicule de fumer. Enfin, il y a longtemps que je trouvais ridicule, mais comme disait le professeur, c'est dur de s'arrêter, c'est très dur. Alors j'ai dit, je m'arrête. J'ai fait une tentative et c'était la bonne. Depuis, je n'ai pas retouché une cigarette. Mais malheureusement, le mal était fait. Donc je suis BPCO, stade 4, sous oxygène. Et là, ces messieurs de la... médecins comprendront, je suis en train de faire une surinfection. Oui. Justement, parce qu'en fait, les défenses immunitaires, elles sont, elles ont du mal à se défendre, hein, à réagir par rapport à d'éventuelles infections. Et là, tu as été victime, justement, d'un début d'infection. Et c'est ça. Voilà, donc je vais attendre mon médecin. Puis certainement commencer les antibiotiques. Oui. Alors, justement, Michel, comment tu t'es rendu compte, comment ça s'est l'évolution? Parce que tu as arrêté à cause de la maladie ou tu as arrêté parce que tu t'es dit, bon, là, stop, je suis arrivé, je fume de trop, et puis comment ça s'est passé? Mais je me suis arrêté pas à cause de la maladie. Bon, j'étais asthmatique depuis tout gosse, alors la maladie, elle a disparu d'ailleurs, l'asthme a disparu avec le tabac, mais c'est revenu après. Il était caché quelque part, mais pas complètement disparu. Et non, j'en avais un peu marre d'être lié à ce tabac. Parce que c'est vraiment une drogue, on est lié, on se sent complètement dépendant. Et j'aime pas tellement être dépendant. Donc je me suis mis en colère et puis j'ai dit non, t'arrêtes de fumer, de toute façon ça sert à rien. Mais c'était avant la BPCO. Hein. C'était avant, et après ça s'est déclaré oui, par la suite. Après ça s'est déclaré, bon. Mais je me suis arrêté comme ça, enfin, pas seul, avec d'une tabacologue, hein. Oui. Avec des patchs, pastilles et tout ça. Avec des aides. Ça t'a aidé? Ça t'a apporté quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas si j'y serais arrivé seul, complètement seul. Oui. Parce que je suis passé de 3 paquets à rien, du jour au lendemain. Oui. Justement, professeur, la question qui me vient à l'esprit, est-ce que ces patchs, ces substituts et autres ont un effet significatif ou c'est plus psychologique, je veux dire, c'est plus un accompagnant? Non, c'est efficace et c'est démontré. C'est démontré à l'international sur plusieurs centaines de milliers de fumeurs. C'est une évidence qui est extrêmement solide. Si vous prescrivez, et c'est ce qui a été dit, à la fois en même temps, les patchs, la forme cutanée des patchs, plus les formes orales, vous multipliez par 3,6 les chances de réussite. Après, on sait qu'il y a des rechutes, mais à chaque fois que l'on refait une tentative, on augmente ses chances. Donc, ce qu'il faut, c'est garder la direction, tenir le guidon et se dire, on y arrivera. Pourquoi je dis tenir le guidon ? Arrêter de fumer, c'est comme apprendre à faire du vélo. Vous avez appris à faire du vélo, vous êtes tombé du vélo, vous êtes remonté sur le vélo après. Après une petite période d'attente pour que les genoux cicatrisent. Eh bien, c'est pareil pour le tabac. Et au bout d'un certain temps, on tient sur le vélo et on sait faire du vélo. Ça ne veut pas dire que même au bout de 10 ans, dans un virage avec des gravillons, on peut retomber du vélo. Ce n'est pas dramatique, il faut recommencer. Donc, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle une maladie chronique. Donc, où il y a des rechutes. Mais clairement, les seuls traitements qui ont scientifiquement démontré leur efficacité pour arrêter de fumer, c'est l'association des patchs avec des formes orales. Et il y a aussi un autre médicament qui s'appelle la varenicline, qui est efficace aussi pour arrêter de fumer. Le reste, c'est pas scientifiquement démontré. Alors, vous avez eu nombre important de patients en consultation, de cas que vous avez pu voir, étudier. Mais est-ce que vous avez des chiffres? En moyenne, combien de fois là, pour qu'une personne arrête hein, donc, quand j'ai une moyenne, parce que vous allez me dire ça dépend d'une personne à l'autre. Hein, combien de fois la personne elle rechute? On va prendre par rapport au diagramme de Pareto, la loi de 80-20 à peu près, la oui. Majorité. Alors, en fait, vous avez des gens qui arrêtent du jour au lendemain. Oui. Alors, Jacques Chirac, par exemple, quand il était maire de Paris, a arrêté du jour au lendemain. Et puis, il y en a qui vont faire 20, 30 tentatives. En moyenne, on dit que c'est entre 6 et 8 tentatives d'arrêt pour arriver définitivement. Donc, ne vous désespérez pas. C'est ça le message aux fumeurs. Un, vous avez raison de vouloir arrêter. Deux, faites-vous aider. Parce que si vous... C'est exactement comme on fait quand on va faire de la montagne. Moi, je vous emmène, j'en ai pas fait depuis trop longtemps, malheureusement. Je ne sais plus faire, mais si vous allez au pied d'un mur d'escalade, mais il faut que quelqu'un vous montre où sont les prises, comment on fait, comment on se tient, comment... Eh bien, c'est exactement pareil. Le médecin ou l'infirmière qui sont tabacologues, qui sont formés, sont au pied du mur. C'est pas eux qui vont monter. C'est le fumeur qui fait l'effort. Mais ils vont vous dire, prends cette prise, fais attention. Si tu chutes, c'est pas grave. T'es assuré. Et on recommencera. T'es retombé au bas du mur, tu recommences. Et à un moment, tu verras la lumière en haut du mur. Michel. Belle métaphore. Pour toi, personnellement, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien? Comment ça se passe, ton quotidien aujourd'hui, pour un petit peu montrer les conséquences, expliquer quelles sont les conséquences du tabagisme en aval? Alors, une petite chose qui me fait très mal. Je serai le grand-père d'une petite fille qui avait 1 an le 26 janvier, un petit bout de chou que je n'ai jamais pu porter. Parce que je ne peux pas faire d'effort, c'est une dyspnée immédiate, tout. Et voilà le quotidien, c'est que je ne peux pas faire grand-chose, enfin, si je fais beaucoup de choses. Je suis un peu partout, mais toujours très doucement, pas d'effort. Et c'est quelque chose qui est très, très, très pénalisant, c'est très handicapant. Sous assistance continuelle respiratoire. À l'effort. À l'effort. Oxygène à l'effort. Mais disons que le moindre effort est un effort, c'est le cas de le dire. Oui. C'est-à-dire que dans tes déplacements pour les réunions, des choses comme ça, eh bien, tu es obligé d'avoir tes bouteilles, tu es obligé d'avoir cette assistance. Ah oui, j'ai toujours avec moi, oui. Ouais, donc c'est lourd à gérer. C'est très lourd à gérer. On ne peut pas avoir d'imprévu, puisqu'il faut toujours être livré en oxygène dans le lieu où on va. Donc c'est toujours une prévoyance au quotidien qui est très lourde. Et puis pour les déplacements, j'imagine, dans les trains, les véhicules, mais aussi à l'hôtel, au restaurant, enfin dans les réunions, donc ça doit être une pénibilité au quotidien. Docteur, oui, professeur, vous voulez rebondir un petit peu là, et puis après on va venir avec Claude. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un retentissement psychologique majeur. C'est-à-dire que le BPCO, la personne qui a une BPCO, ne peut plus faire ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire ses petites activités de jardinage, etc., aller au cinéma, sortir au restaurant, tout devient une épreuve. Je vous parle pas des relations intimes entre époux qui sont impossibles du fait de la dyspnée. Et tout ça amène souvent un retentissement psychologique important où la personne se replie sur elle-même, devient un peu acariâtre et n'ayant plus beaucoup de plaisir dans l'existence ou ayant perdu les plaisirs qu'elle avait, voit progressivement sa psychologie évoluer dans un sens péjoratif. On peut rappeler, BPCO, donc ce sont les... Ce sont les bronchites chroniques et l'emphysème, comme on les appelait autrefois. On les appelle maintenant BPCO, mais c'est le même tonneau. C'est le même tonneau. Alors... par rapport à ça, Claude, on va parler parce que il y a des débats qui ont été menés, il y a des études qui ont été menées, controversées, la cigarette électronique. Aujourd'hui, on dit bah oui, c'est une façon d'arrêter de fumer. D'autres études disent c'est nocif. D'autres études disent oui, mais ça inciterait les jeunes à fumer. Alors. Il va falloir qu'on mette un petit peu d'ordre un petit peu là-dedans, si je peux me permettre, parce que il y a tellement d'informations. Moi, personnellement, en préparant l'émission, et depuis le nombre d'années que je suis un petit peu à ces activités, les études, les articles, ces choses-là, on a un peu de mal à s'y retrouver. Alors, je vais essayer de faire écho au professeur sur un point qui, à mon sens, est très important. C'est pour les fumeurs. Alors, j'ai été fumeur aussi. J'ai arrêté il y a presque 5 ans par inadvertance, en fait. J'ai oublié mon paquet de clopes. Non, du tout. Par inadvertance, parce que j'ai acheté avec ma cartouche. J'achetais par cartouche. Ouais. Avec ma cartouche de Camel, j'ai acheté une cigarette électronique parce qu'il y avait une prise USB et que j'étais curieux de cette affaire-là. Et cette cartouche, elle est toujours dans mon salon. Et j'ai plus jamais fumé de cigarette parce que j'ai trouvé ça plus agréable et plus satisfaisant. Et après, comme beaucoup de vapoteurs, j'ai essayé de me documenter, de comprendre, parce qu'on se dit, tiens, alors, c'est bizarre que j'arrête de fumer parce que j'avais pas passé une journée sans fumer depuis une vingtaine d'années. On se dit, alors c'était en 2013. Est-ce que tout ça c'est bien sérieux, bien, est-ce que c'est pas dangereux et tout ça? Et oui. Alors le point qui est important, enfin où je voulais faire l'écho du professeur, c'est arrêter de fumer, c'est une bonne idée. Il y a plein de façons. Il faut déjà être motivé, je crois, au départ. Ça c'est la première chose. Alors, c'est comme dans tout. Si on n'a pas la motivation, c'est comme faire un régime. Attention toujours, puisque oui. Vous en parliez très bien là-dessus. Oui. Si on considère le tabagisme comme une addiction, l'addiction, en vrai, ça s'appelle une maladie de la volonté. Donc dire aux gens qui ont une maladie de la volonté qu'il faut de la volonté, c'est un peu comme dire aux gens qui ont un cancer, faites un petit effort avec vos métastases. Donc il faut avoir une motivation. Oui. Une raison, les gens ont, j'aimais beaucoup ce que vous décriviez sur les motivations à faire quelque chose, elles peuvent être de nature très différente selon les gens. Oui. Et puis les contre-motivations peuvent être aussi de nature différente. Donc les gens doivent trouver une raison pour eux-mêmes de le faire. Je le fais à cause de la pression sociale, à cause de ma femme, mon cousin, machin. C'est pas forcément les plus forts. Il faut le faire pour soi. Il faut être parce qu'on va le vivre. On va vivre sans tabac. Après, éventuellement, c'est quand même important. Mais après le reste, il y a des aides. Il y a des aides avec des substituts, il y a des aides très efficaces avec des médecins qui peuvent accompagner, il y a des aides avec des gens des associations, des groupes qui groupes peuvent de parole. Ouais. Voilà, il y a plein, il y a plein d'aides. Il y a des choses. Le professeur est un peu plus limité par la science. Par certains aspects scientifiques, mais il y a des choses qui sont peut-être. Le but, c'est d'éclairer nos auditrices, nos auditeurs. Comme pas efficaces, entre guillemets, mais qui pour certains vont les aider. Si j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'on fasse de temps en temps un effort sur ne limitons pas ces aides-là. Ne disons pas aux gens. Ne limitons pas les possibilités pour les gens de trouver n'importe quelle aide. De toutes les prendre ensemble s'ils veulent. Enfin, plus exagéré. Mais oui, façon de dire. C'est ce que vous disiez très bien. De sélectionner combien l'aide qui va me convenir au mieux. Combien on voit de gens qui disent « Ah ben, j'ai les patchs, donc je ne prends pas les pastilles. J'ai été chez le pharmacien prendre un substitut. J'ai pas besoin d'aller chez le médecin. » Toutes ces choses peuvent aller ensemble, ne les limitons pas inutilement. Pour dire, juste quand vous dites ne les limitez pas, vous voulez dire aussi par rapport au prix peut-être, de les rendre plus accessibles? Alors bien évidemment, alors là le ministère a fait des efforts et il y a des bonnes nouvelles apparemment dans le... Non mais des efforts passés de 50 à 150, c'est déjà génial. Ça va trop lentement, on est complètement d'accord. C'est lourd, c'est... Je rejoins simplement pour une chose, hein, c'est que c'est quand même la seule... Alors, toujours, si on considère le tabagisme comme une addiction, c'est une maladie. Au dernier, et c'est une maladie grave, celle-là. Vous en parliez sur les conséquences. Et on ne rembourse pas les médicaments. Mm-hmm. On en rembourse un forfait. C'est ça qui est, on en rembourse un forfait aussi. Pour vous aider. Et puis ça traîne, hein, les forfaits. J'ai eu des échos assez chauds là-dessus. Mais, donc, aidons les gens. Mais des fois, au-delà du médicament, du forfait, il y a des addictologues, il y a des médecins. Des fois, sont généralistes. Des fois, sont pharmaciens. Mon pharmacien, il accompagne des gens dans l'arrêt du tabac comme ça, parce que c'est un pharmacien. Donc, ne limitons pas tous ces axes parce que ça retient des gens des fois. Et il y a ces contre-motivations de dire « Oh, bah, j'ai essayé d'arrêter de fumer, mais... » C'est ça la maladie de la volonté, c'est le mais. Moi j'ai vu des mais, des fois, qui sont complètement hallucinants. On en a un, c'est le nombre de gens qu'on lit. J'ai essayé d'arrêter de fumer, mais j'ai pris du poids. Alors j'ai arrêté d'arrêter, j'ai repris des clopes. Bah oui, bah, c'est sûr que quand on est mort, on pèse moins lourd, mais c'est dommage. Donc ne limitons pas les occasions en soi. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous nous expliquez que l'addiction c'est bien une maladie et vous nous faites comprendre que l'État, les médicaments, tout ça, enfin, ne considère pas que c'est vraiment une maladie et du coup c'est pas remboursé comme des médicaments. Professeur, justement, par rapport à ça, vous pouvez rebondir un petit peu, ça serait intéressant. Simplement par rapport aux médicaments, un paradoxe. Oui. Je suis en consultation, j'ai face à moi quelqu'un qui prend de l'héroïne et qui fume du tabac. L'héroïne, c'est illicite. Mm-hmm. Le tabac, c'est licite. Je lui prescris un médicament pour sa consommation de produits illicites. Du Subutex, c'est gratuit. Ah. Je lui donne un traitement pour sa dépendance au tabac, qui est un produit licite. Passé les 150 euros, il va être de sa poche. Okay. C'est absolument incohérent. On est d'accord. Ça, on l'a dit, on le répète, c'est incohérent. C'est un facteur de risque. C'est pas, on considère le tabac comme une addiction. Le tabac, c'est la principale addiction. Plus de 13 millions de toxicomanes au tabac en France. C'est une toxicomanie. Eh bien, il faut leur donner des traitements gratuits pour arrêter. Pourquoi ? Mais oublions la santé. Mais parce que ça rapportera aux Français. Pour l'instant, le coût du tabagisme est majeur. Alors, il a été évalué à 140 milliards. Vous me direz, c'est peut-être pas 140, c'est 100. Je vous le fais même à 80 milliards pour la société. Vous voyez, on est dans des chiffres énormes. Et c'est rentable. Les pays intelligents, la Grande-Bretagne, la Californie, l'Australie, ils ont aidé leurs fumeurs à arrêter de fumer et prévenir les jeunes d'entrer en tabagisme. Parce que c'est rentable économiquement. Donc c'est rentable au point de vue santé et c'est rentable au point de vue économique. Une fois que nos dirigeants comprennent ça, alors ça se débloque. Ouais, alors moi, il y a une chose que je trouve qui est complètement paradoxale. Parce qu'il y avait la CETA qui est devenue un organisme public. La CETA faisait partie de l'État, donc conflit d'intérêt, si je peux dire. Moi, il y a une chose qui me fait hérisser les poils sur la tête et partout sur le corps, c'est que d'un côté, on met en place des préventions avec des budgets, d'énormes budgets, en parlant de la prévention sur le tabac. On augmente le prix du paquet de tabac. Ça, on en parlera au cours de l'émission, évidemment, pour que ce soit, comment dirais-je, rébarbatif. Et d'un autre côté, on fait de la publicité, alors déguisée maintenant pour promouvoir le tabac, d'aller au plus proche des jeunes pour capter le plus tôt possible les jeunes. Moi, c'est quelque chose qui m'irrite la poêle, quoi. Encore ouais. Dernièrement, là, j'ai vu, il y avait des soirées, bon, bah, on voit des chameaux, des choses comme ça. Enfin, bref, déguisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, si je peux me permettre, moi, oui. Je vais aller droit au but. Allez-y. En France, on a une législation contre le tabac qui est une bonne législation. On est d'ailleurs un pays modèle. Dans les pays européens, on est classé 3e pays européen pour la législation. Mais on a une consommation qui est élevée, très élevée. Le problème, c'est que donc, on a des lois, mais que ces lois ne sont pas appliquées. La première, je vais faire très simple et direct. Allez-y. La loi interdit la vente du tabac aux mineurs. C'est-à-dire qu'elle oblige le buraliste à demander une preuve objective de l'âge de ses consommateurs. Quand c'est un vieux con comme moi qui achèterait du tabac, à Dieu ne plaise, il n'y a pas besoin de me demander mes papiers, on voit mon âge. Mais c'est obligatoire, ça n'est pas appliqué. Donc on a actuellement une drogue dure qui entraîne une toxicomanie qui tue et qui coûte cher à la société. Et les marchands de cette drogue tabac, c'est bien de ça dont on parle, ne contrôlent pas l'âge de leurs consommateurs. Et ça, quand vous comparez, vous allez en Grande-Bretagne, vous allez en Australie, vous allez en Californie, vous allez dans d'autres pays comme la Norvège, eh bien, celui qui vend du tabac à un mineur, il peut fermer sa boutique. Il ne le fera pas deux fois parce qu'il n'aura plus de boutique. C'est ça qu'il faut. C'est intolérable, totalement intolérable qu'on vende une drogue dure à des mineurs en France. Ce soit répressif. Claude, vous vouliez réagir là, juste avant la pause musicale? Ça reste choquant. On revient sur la même chose que les substituts ou certains médicaments qui ne sont pas remboursés parce que les fabricants de ces médicaments ont refusé qu'ils soient de tarifs négociés. On est de l'autre côté avec un État qui se finance avec la vente des cigarettes à des mineurs, sans que ça choque personne. Ah oui. Imaginez qu'on dise « Non mais bon, le dealer, du moment qu'il paye ses taxes, c'est OK, dans la rue, parce qu'il a dealé de la coke à la sortie du collège. Et ben autant qu'il paye les taxes, on va pas en faire une histoire. » Non mais on est là. On est en train de financer la sécurité sociale avec la vente de paquets de cigarettes à des jeunes qui ont aujourd'hui 12-15 ans. On a une prévalence qui est qui va de 10 à 30%. 12-15 ans, 18 ans, ça nous fait 5 ans, là, de battement. Ouais, non, mais ça fait 5 ans avec un tabagisme qui est du niveau national, hein, puisqu'on est 3e, comme vous le disiez, on est 3e en Europe, ouais. Le 3e plus gros consommateur. Hein. Mm-hmm. C'est comme pour le cannabis, on a la législation la plus dure et puis les résultats les plus mauvais. Mais, ou pas loin. Mais on se finance avec la vente de tabac. Et il faut dire que, quand on fait le calcul, si les 15-18 ans du jour au lendemain arrêtaient de fumer, le budget de la sécurité sociale aura un problème. Professeur, vous voulez répondre rapidement avant la pause musicale? Très simple, on ne commence quasiment pas à fumer après l'âge de 20 ans. Donc pourquoi on vend du tabac à des enfants? C'est une maladie de l'enfant, le tabagisme. On l'attrape à 13-14 ans. On en meurt à l'âge adulte. Mais c'est à 13-14 ans qu'on devient malade du tabagisme. Et pourquoi les buralistes et l'industrie du tabac ciblent les enfants? Eh bien, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils pourront fermer leur boutique si on ne leur vend pas de tabac aux jeunes, parce que passé 18-20 ans, on n'apprend plus et on ne commence plus à fumer. Et on arrête mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause musicale et après, on va retrouver Michel Vicaire pour parler un petit peu, avoir son avis, pour partager son ressentiment juste après ceci. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur gitane, et la dernière je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. Donc voilà, j'ai voulu vous mettre une petite chanson de circonstance qui peut être aussi un support pour notre pour nos échanges. Justement, Michel qui est en ligne. Michel, pour toi justement, qu'est-ce que ça t'interpelle cette chanson là de Gainsbourg? Ben, ça m'interpelle un grand fumeur parce que j'étais pas fan de Gainsbourg, mais enfin, je le connaissais bien, c'est un peu mon époque, et ça m'évoque un grand fumeur, une publicité que maintenant serait malvenue. Alors qu'à l'époque, c'était du tournant, hein, c'était. Ouais. Le tabac, c'était l'époque où on fumait dans les cinémas, où on fumait partout, c'était une horreur. Hein. Moi, j'allais voir des amis à l'hôpital, on fumait dans l'hôpital. Ouais. Oui, mais il n'y avait pas ce principe de précaution. Puis, moi, je compare un peu au principe de l'amiante. L'amiante, c'est un isolant magnifique. On s'en est rendu compte qu'après, on s'est dit, c'est comme les nanoparticules. Aujourd'hui, on dit les nanoparticules. Je prends des exemples un petit peu disparates pour. Bon, les nanoparticules, il y a beaucoup d'amiante. Mais on n'a pas de principe de précaution ni de recul. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Et on a pêché par défaut, si je peux dire. On n'avait pas ce recul sur les conséquences sur la santé. On n'avait pas tout ça. Les évolutions technologiques, la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tabagisme, c'est ce qu'on appelle une épidémie industrielle. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui ont intérêt à vendre du tabac. On n'est pas comme dans la tuberculose. La tuberculose, vous n'avez pas un lobby qui soutient la tuberculose au Parlement européen et qui dit « il faut de la tuberculose partout ». Par contre, vous avez un lobby de l'industrie du tabac qui est relayé en France par la Confédération des buralistes. Ce lobby, son objectif, c'est vendre du tabac pour faire du pognon. Il faut supprimer la morale. Il n'y a aucune morale derrière. C'est simplement des industriels qui veulent distribuer des dividendes à des actionnaires. Et pour avoir cet argent pour distribuer les dividendes, il faut vendre du tabac. Après, j'en vends à des enfants, je m'en fous complètement du moment que... Et c'est amoral. C'est à côté de la morale. Par rapport à notre ami Gainsbourg, qui est mort plutôt de l'alcool que du tabac, mon Dieu. Mais il avait les deux. Puis du cocktail, quoi. Ouais, on va vivre aujourd'hui. On va oublier ce chanteur que j'adore. Et on va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Vous avez la première page de Libération il y a une dizaine de jours. Vous avez Catherine Deneuve qui fume sur la première page de Libération et elle énonce qu'elle est une femme libre. Elle est une femme libre parce qu'elle fume. Je rappelle que c'est une drogue et que par définition, être drogué, c'est un esclavage. Eh oui. Donc, elle traduit. Et ça, c'est consciemment ou inconsciemment. Je ne lui fais pas de procès, je ne la connais pas. Bien sûr. Mais par cette image de « je suis libre et je fume », c'est exactement le message de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac a toujours dit « mesdames, vous êtes libres, vous êtes libres, fumez ». Libre de quoi ? De se tuer, c'est ça ? Eh bien, vous êtes libre de fumer. La libération, parce que la libération de la femme. Alors, j'ai pas trop le temps de vous, développer ça. Oui. Alors, c'est dans les années 25-30, à New York, il y avait des spin doctors, comme on les appelle, c'est-à-dire qui voyaient une chose, qui ont été contactés. Les fabricants de tabac, ben, les hommes fumaient beaucoup, mais les femmes ne fumaient pas, parce que être femme et fumeuse, c'était être une femme de mauvaise vie. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'il fallait, c'est changer l'image. Et il y a eu un investissement massif pour que les femmes fument. Et dans les 10 ans après, les femmes se sont mises à fumer presque autant que les hommes. Et c'était donc ça, c'est une épidémie industrielle. C'est-à-dire, c'est un industriel qui décide, vous allez bouffer ma saloperie, vous allez fumer ma saloperie. Et ça marche. Et on retrouve aussi dans l'alimentation aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'alimentation. Exact. Et aujourd'hui, il faut rappeler, professeur, c'est qu'aujourd'hui, les causes de cancer chez la femme aujourd'hui, cancer du col de l'utérus, cancer du sein et autres cancers liés, qui est exponentiel, liés au tabagisme. L'alcool est tabagique. Ouais, être lié. La mortalité des femmes, globalement maintenant, elle est égale, la mortalité par tabac, par cancer du poumon, pardon, elle est égale à la mortalité par cancer du sein. Alors qu'il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup plus de femmes qui mouraient de cancer du sein que de cancer du poumon. Et on sait que le cancer du poumon est au minimum à 90% lié au tabac. C'est dans une épidémie industrielle, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à un produit, par rapport à tout produit, on a deux approches. On peut avoir une approche par l'offre et une approche par la demande. L'approche par la demande, c'est dire j'ai besoin de quelque chose, donc je l'achète. L'approche par l'offre, c'est dire je te propose ça, je te fais de la pub et tu vas l'acheter. Principe de marketing. Voilà. Et c'est clairement démontré pour le tabac que c'est l'approche par l'offre qui amène à fumer. De la même façon, pour l'alimentation, quand j'étais jeune, les pauvres, ils étaient maigres en France. Maintenant, les pauvres, ils sont obèses. Pourquoi sont-ils obèses ? C'est pas que leurs gènes ont changé, c'est que l'offre de l'alimentation a changé. Quelle est justement la position, là, tout à l'heure on a commencé à en parler un petit peu, Claude, par rapport au vapoteur, par rapport à la cigarette électronique, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que on n'est pas rentré tout à l'heure dans le détail, on n'a pas répondu à la question, tu vois sur quoi je veux tout revenir. Mais, et alors c'est... Quelle est la nocivité ? On va y répondre, y répondre... Les professeurs aussi, chacun à votre tour. Répondant chacun à notre tour. On va y répondre en rebondissant sur cette affirmation que je n'aime pas du tout sur le tabac. Le tabac, on n'a pas découvert que c'était dangereux par un recul miraculeux. Je rejoins ce que disait le professeur sur le côté industriel de la proposition et de la consommation, surtout qui a augmenté, forcément. Mais le tabac, en 1900, les gens, ils savaient que c'était pas très bon pour la santé. Mmh. Ce qui a été découvert, parce qu'il y a eu des progrès scientifiques majeurs dans les années 60, et qu'il y a eu un super travail de Hill là-dessus, c'est le rôle, la preuve du rôle du tabac sur le cancer du poumon chez des gens plus âgés. Mais le monoxyde de carbone, il n'y a pas un scientifique ou un médecin au début du siècle qui pensait que c'était bon pour la santé. Il faut arrêter. Après, les cancers, c'est des choses qui étaient beaucoup plus nouvelles. On se soucie un peu moins des cancers en début du siècle dernier. On s'en soucie beaucoup plus aujourd'hui. Et on a une science qui est beaucoup plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne connais pas, il y a une phrase exacte des acteurs de lutte contre le tabagisme, mais aujourd'hui, quelqu'un lancerait le tabac, un industriel lancerait la clope, il ne passerait pas 10 minutes. Ça s'arrêterait net. Ce serait interdit parce qu'on peut prouver aujourd'hui et calculer, et ce n'est pas une question de recul, c'est une question de composition chimique de la fumée. On sait calculer les risques de façon assez juste de respirer de la fumée de tabac dans une certaine quantité avec un certain temps. L'autre facteur aussi de risque, c'est une bonne chose, hein, c'est que notre espérance de vie augmente. Et le tabac, il tue au bout d'un certain temps. L'espérance de vie à la naissance, quoi qu'elle ralentit, et l'espérance de vie en bonne santé, elle réduit. Hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... Mais par rapport aux années 30, il n'y avait pas 73 000 morts du tabac dans les années 30 parce qu'il y avait moins de gens qui consommaient. Puis parce que malheureusement, il y a plein de gens qui mouraient de plein de choses avant. C'est super qu'on vive plus longtemps aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne vive pas plus longtemps, pour certains, à cause de ces maladies comme les cancers. Mais aujourd'hui, on sait déterminer précisément la nocivité des produits. Aujourd'hui, sur le vapotage, alors vous imaginez, il y a quelque chose qui me sidère toujours, c'est pourquoi il y a une association des utilisateurs de cigarettes électroniques ? Parce qu'il y a des utilisateurs qui se préoccupent de la qualité du produit. Je représente l'EDUS à l'AFNOR, on travaille avec l'AFNOR, avec le professeur Dotzenberg et avec les fabricants sur la qualité des produits, comment le mesurer, quelles normes faire, on s'en inquiète. Vous imaginez bien que celui qui consomme le produit s'en inquiète quand même un peu plus que les gens qui ne le consomment pas. Et on souhaite le regarder. Dès le début, j'ai commencé à vapoter, j'ai commencé à regarder des études, à regarder ce qui était mesuré. Et je me disais, on ne sait jamais s'il y a des trucs qui sont louches. J'aimerais le savoir en premier pour pouvoir éviter ces trucs qui sont louches et utiliser ceux qui le sont moins. Ma grande surprise, c'est que d'année en année, les problèmes réels, avérés, sont de plus en plus écartés. On parlait au début de 95% moins dangereux que le tabac. Aujourd'hui, on est en train de parler de 97-99%. Et aucun risque n'a été avéré jusqu'à maintenant. Par contre, ce qui m'attriste, c'est de voir une masse considérable de fake science, de papiers qui vont du n'importe quoi, qui ne devrait même pas être publié, ne peut pas dépasser la relecture, à des papiers qui sont volontairement falsifiés. Des affirmations qui ne tiennent pas 10 minutes scientifiquement, voire logiquement pour un élève de lycée. Et qu'on laisse sortir dans la presse, qu'on laisse sortir dans les médias, sans qu'il y ait une dénégation. Alors typiquement, hier, on a eu un bon exemple de fake science qui fait la une. Dans la journée, Cancer Research UK sortait toutes les heures des messages pour dire « ce n'est pas représentatif, ne prenez pas ça comme les titres de la presse, parce qu'il y a ce que dit le scientifique, il y a le communiqué de presse, et puis il y a ce que fait un journaliste qui veut avoir des clics sur son article et qui passe des conditionnels, voire qui invente, qui passe du conditionnel à l'affirmatif ou qui invente carrément des prolongations, des choses. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut mesurer et surveiller, comme tous les produits. C'est-à-dire que autant je pourrais faire une très mauvaise pâte à tartiner ou une très mauvaise boisson énergisante, autant je peux aussi faire un jus de fruits ou une confiture de fruits correctement faite. Donc on surveille ces choses-là et les fabricants en tiennent compte. Pourquoi ? Parce que beaucoup des fabricants sont des vapoteurs, les gens qui dirigent ces sociétés. Et puis, un facteur étonnant, on en parlait tout à l'heure, quelque chose qui m'a surpris en tant que consommateur en général, hein, je ne parle pas de consommateur même de cigarettes électroniques en particulier, c'est... le fait qu'entre le moment où j'ai commencé à vapoter en 2013 et aujourd'hui, En termes de mesures, là, je parle vraiment de mesure des émissions, mesure de qualité, on a quasiment amélioré d'un facteur 10, donc réduit d'un facteur 10, tout ce qui, enfin, les composés qui pouvaient poser problème. Donc le progrès technologique, il est mis au service, parce que c'est ça hein, qui permet ça, il est mis au service d'améliorer des fonctionnalités, la dimension d'usage, mais il est mis au service d'améliorer la qualité des émissions, de réduire les problèmes et d'améliorer les mesures qu'on fait dessus. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, moi, ce que je propose, professeur, c'est de répondre justement un petit peu par rapport à ça. Ensuite, je voudrais reposer quelques questions à Michel. Et ensuite, après, j'ai beaucoup de questions à vous poser, qui très rapidement, parce qu'on avance dans l'émission. Alors, votre réponse, si je peux dire, par rapport à ça... D'abord, il y a une première chose, c'est que, je suis désolé, mais on ne peut pas dire qu'un papier publié dans les Proceedings of National Academy of Science des États-Unis sont des fake news. C'est-à-dire qu'il y a eu une recherche, elle vous plaît pas, c'est pas la question, ce sont des chercheurs, il y a une relecture, c'est top comme journal, on peut pas traiter ça de fake news. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir une interprétation du papier, ce qui est totalement différent. Comme dans les lois. Mais le papier lui-même ne peut pas être considéré comme une fake news. C'est faux. Ceci étant dit, pourquoi je vais vous parler, moi, du recul? Ça veut dire quoi, le recul? Je viens vous voir aujourd'hui. Je vous dis, vous construisez une maison. Vous avez besoin d'une isolation phonique, d'une isolation thermique. Je vous propose un produit qui est magnifique. Ça s'appelle l'amiante. Ça coûte pas cher. C'est facile à poser sur les murs, les plafonds. Ça ne pose aucun problème avec la santé. Ça fait déjà 10 ans que j'en pose sur tous les gens qui habitent autour de chez vous. Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas eu de maladie. Ah ouais, pas de chance. L'amiante, les maladies, elles arrivent au bout de 20 à 30 ans. Oui. Pourquoi nous, médecins, et pneumologues en particulier, qui connaissons les méfaits de l'amiante et du tabac, nous disons, attendons, il faut qu'on ait du recul. L'Académie des sciences des États-Unis a sorti un pavé de 600 pages sur la cigarette électronique où on reprend les grandes questions par rapport à la cigarette électronique. Il y en a trois des questions. C'est très simple. C'est 1. Est-ce que ça aide à arrêter de fumer? 2. Est-ce qu'il y a un danger pour la santé de ceux qui vapotent et de ceux qui sont à côté? Et 3. Est-ce que l'usage de la cigarette électronique fait qu'on entre en tabagisme? Vous voulez que je vous donne les réponses aux trois questions? J'en ai pour une seconde. On ne sait pas. Il faut du recul, il faut de la recherche et il faut de l'observation. Or, actuellement, on n'a pas assez de recherche et on n'a pas assez d'observation. Donc, il faut être prudent. Un principe de précaution. Michel, par rapport à cela, est-ce que tu pourrais apporter un petit peu, justement, ton opinion? Alors, justement, j'allais... en écoutant ce qu'a dit le professeur, simplement pour les gens qui ne vapotent pas. Bon, je suis un fidèle client de la gare de l'Est. Alors, on ne parle pas du tabac sur les quais et tout, mais il y a beaucoup de gens qui vapotent. Moi qui suis malade, que je suis à côté d'un vapoteur, je suis obligé de partir. Mmh. Exactement comme je m'en vais quand quelqu'un fume à côté de moi. Parce que je supporte pas, mes poumons supportent pas la vapeur du vapotage. C'est pas... Ça me gêne énormément. Donc je me dis, est-ce que c'est réellement bon pour la santé? Je n'en sais rien. Oui. Bon, c'est vrai qu'il faut pas négliger le fait que ça peut aider à arrêter le tabac. Mais je pense qu'il faut peut-être attendre d'avoir du recul, effectivement. Parce que oui. Moi, je sais que... je supporte pas. C'est un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, que vous avez repris, professeur, avec l'amiante, avec les nanoparticules, oui. Par rapport à mais ça. Simplement alors, un oui. Mot pour le, oui. Le... Il existe un vapotage passif. Mettons qu'il y ait ici, dans cette pièce, quelqu'un qui vapote un produit avec de la nicotine. Eh bien, dans votre pipi, je trouverai des produits de dégradation de nicotine. Alors, donc, il existe... Non, mais il existe un vapotage passif. Quand j'ai quelqu'un qui vapote un produit à la rose, ça sent la rose. Comme avec la cigarette. Voilà. Alors, c'est dangereux ou pas, ça reste une autre question. Ça, c'est une autre question. Alors, on va essayer de parler de science un tout petit peu. Alors, premièrement... Assez court, Claude. Pourquoi ? Parce qu'après, je voudrais poser, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées et que j'aimerais qu'on soit après un peu normatif, si vous permettez. Tout à fait. Alors, premièrement, j'ai qualifié de fake science un article qui a été publié dans les proceedings, parce que simplement cet article affirme que la nicotine causerait des cancers, alors qu'il y a aujourd'hui des démonstrations solides et depuis des décennies que ce n'est pas le cas. Donc c'est un problème de faire des recherches là-dessus. Après, ce qu'écrivent les scientifiques, c'est-à-dire quand ils décrivent leur méthode, ce qu'ils ont fait, ça c'est de la science. J'ai fait quelque chose, je vous dis ce que j'ai fait, je vous dis ce que j'ai mesuré. Les déclarations qu'il y a dans l'étude que j'ai lue, qui vont bien au-delà des mesures qui ont été faites, et c'est un tissu d'affirmations qui ne sont pas forcément en rapport directement avec la mesure, sont inquiétantes et ne sont pas de la science. On a quand même des affirmations qui sont que la majorité du produit qui est vapoté est de la nicotine, quand il y en a 2% au maximum, c'est quand même assez extrême. Donc c'est un problème non pas de faire ces mesures, sauf pour les souris qui sont mortes, mais c'est un problème d'en faire les gros titres de BFM, d'en faire les gros titres de LCI, en affirmant à des gens qui veulent arrêter de fumer, attention, le vapotage est peut-être plus dangereux que fumer. Non, vapoter n'est pas plus dangereux que fumer, ce n'est même pas du même ordre, c'est considérablement moins dangereux de toute façon. Ensuite, la cotinine que vous auriez dans les urines, nous en avons tous les quatre, puisqu'il y a de la cotinine naturellement dans l'organisme, donc... Professeur, alors, cotinine, ensuite... juste une seconde, pour répondre, professeur, cotinine... Non, qu'est-ce que la cotinine ? La cotinine, c'est un produit de dégradation de la nicotine. La nicotine, je suis désolé, on n'en a pas dans le sang normalement. Bah, si on mange des aubergines, on en a. Claude, je vous en prie. Bon, vous en avez plus si vous êtes à côté de quelqu'un et ça n'aura pas d'incidence sur votre santé. Après, ça reste à démontrer. Qui est important. Alors, on va continuer parce que je voudrais en parler parce qu'on n'a pas autour de la table, mais on a dans les oreilles quelqu'un qui a une maladie que j'ai découvert en fréquentant des vapoteurs qui arrêtent de fumer parce qu'ils ont une BBCO. C'est un vrai sujet. Et c'est comme tout. C'est quand on a quelqu'un qui a des difficultés respiratoires à côté de soi, on ne pchite pas de parfum, on ne vapote pas en lui soufflant, même en général, en soufflant de la vapeur vers lui, on fait attention aux gens. De l'autre côté, on a quand même plusieurs adhérents et beaucoup de vapoteurs qui ont réussi à sortir de leur... à réduire les effets de leur BPCO en arrêtant de fumer. C'est pas le vapotage qui guérit la BPCO. Oui, oui. C'est ne pas fumer qui guérit qui réduit l'avancement de cette maladie qui est une maladie terrible. Et quand vous avez quelqu'un qui est malade, il faut l'aider à sortir de ce qui va aggraver sa maladie. Et deux, bien évidemment, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est sensible ou qui vous dit « moi, ça me dérange », que ce soit le parfum ou le vapotage, on est poli avec les gens. Alors, ce que je vous propose, parce que ce n'est pas comparable, le temps passe très vite, là j'aurais un questionnement, donc des questions assez normatives, on va pas revenir sur le débat si vous permettez, donc je vais avoir certaines questions que je vous demanderai de bien vouloir répondre assez rapidement. Michel, au niveau de l'association, ça représente combien d'adhérents déjà ? Au niveau de l'association des insuffisants respiratoires de l'Est, peu, parce qu'on ne couvre que les Vosges. Au niveau national, on va prendre au niveau national. Au niveau national, on va faire entre 6-7 000, quoi, à peu près. Et sur les 6-7 000 personnes, est-ce qu'on a une notion de personnes qui ont fumé ? En pourcentage, ratio approximatif ? Non. Non ? On a fait une enquête dernièrement, mais c'était sur 300 personnes, j'ai pas les chiffres en tête. On a fait une enquête disons des fumeurs chez les malades respiratoires. Pour toi, Michel... Le nombre. Tu tu as pas de nombre. Au niveau, de, tu interviens dans assez rapidement parce que, comme je disais, j'aurai des questions à poser. Après, chacun y répondra par rapport à ses compétences. Au niveau national, là, tu te fais partie de commissions. Est-ce que, avec le nouveau gouvernement, il y a une volonté justement de lutter contre le tabagisme assez rapidement? Oui, puisqu'il y a un deuxième PNRT qui est en cours de rédaction, je crois. Enfin, j'espère qu'il avance. Oui. Hein, puisqu'on en a vu un petit peu. Je pense que le professeur Martinet est au courant aussi. Hein. Je pense qu'il y a une volonté, oui, de lutter contre le tabagisme. D'accord. Alors, on attaque le questionnement. Ça va s'adresser plus au professeur. Professeur, est-ce qu'il existe des prédispositions à fumer? Est-ce que, naturellement, on a envie de fumer? Non, alors c'est ce que je vous ai dit, c'est l'offre et la demande. S'il n'y a pas de tabac, ben on fume pas. Il faut qu'il y ait une offre pour qu'il y ait une demande. Alors après, il peut y avoir des profils psychologiques plus particuliers des fumeurs. Mais quand on a des populations où il y a 50% d'adultes qui fument, c'est bien évidemment qu'il n'y a pas un profil psychologique particulier. Par contre, pour arrêter, c'est vrai qu'en fonction du profil psychologique, on a plus ou moins facile à arrêter. Mais, et j'insiste pour ceux qui ont des problèmes psychiatriques, en particulier des schizophrénies, on sait que maintenant les schizophrènes meurent plus du tabac que de leur maladie psychiatrique, eh bien, on peut les aider et ils peuvent arrêter. Ne désespérez pas, c'est le seul message que je donne. On arrive à arrêter, faites-vous aider, ne désespérez pas. On a parlé très peu du tabac passif. Hein, donc, en fait, est-ce que justement le tabac passif, hein, c'est-à-dire que d'avoir des personnes qui fument dans notre environnement, peut inciter justement à déclencher cette envie de fumer? Oui. Professeur, allez-y. Oui, bien sûr. Oui. D'une part, le tabagisme passif peut amener à fumer. C'est ce qu'on appelle la normalisation du tabagisme. C'est-à-dire que quand on voit fumer, on a envie de fumer. Et surtout, ça incite les fumeurs qui viennent d'arrêter à rechuter. À rechuter. Ça, c'est clair. Alors là, rapidement, comme ça, on se fait ces questions. Ouais, je dis ouais. Comme... comme de temps en temps, je dis oui. Comme le professeur Martinet, c'est un sujet qui nous préoccupe. Alors, c'est juste, c'est pas le tabagisme passif qui contamine, qui transforme en fumeur. C'est le fait de trouver normal partout, devant tous les bureaux, devant tous les cafés et devant tous les lycées et les collèges, de voir des gens fumer. Ça paraît un peu normal parce que quand 30% des Français fument, ça s'appelle normal et c'est quand même préoccupant. Et c'est pour ça qu'à l'EDUS, on lutte contre cette confusion, parce que quand des entreprises, ce qui est le cas aujourd'hui, obligent des vapoteurs, donc des gens qui ont arrêté de fumer ou qui sont en train d'arrêter de fumer, à aller à des pauses clubs, dans des salles fumeurs ou devant le bureau avec les fumeurs, des fois que quelqu'un leur donne une clope, c'est inacceptable et c'est dangereux. D'accord. Alors, maintenant, parlons du prix. Là, on parle du prix. Est-ce que le prix est rébarbatif, justement, pour éviter que les personnes fument et pour arrêter? Alors, c'est dans les écoles d'économie, c'est un modèle. C'est ce qu'on appelle l'élasticité. Si vous augmentez de 10% le prix du tabac, vous avez une baisse de 4% de la consommation. Et cette baisse est d'autant plus efficace qu'il s'agit de jeunes et de ce qu'on appelle des sujets socio-économiquement défavorisés, c'est-à-dire des gens pauvres. Et ça, c'est démontré dans tous les pays. Donc c'est efficace, il faut le faire, mais il faut le faire avec des marges élevées. C'est exactement comme si vous avez à monter un mètre. Si je vous mets des marges de 10 cm, vous allez monter, vous n'en apercevrez pas, vous aurez monté votre mètre sans vous en apercevoir. Si je vous mets deux marges de 50 cm, vous allez vous rendre compte qu'il faut y aller. Question suivante. Au niveau des médecins, n'ont-ils pas une responsabilité dans la prévention? Est-ce qu'il y a une bonne formation, un bon accompagnement? Formation totalement insuffisante, à la fois initiale et continue. Et même, et je dois reconnaître, il y a de plus en plus de médecins, en particulier de généralistes, qui s'intéressent au tabagisme de leurs patients. Malheureusement, ce n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour pour beaucoup de médecins. Et je ne parle pas de certains gynéco-obstétriciens qui continuent à dire à des femmes enceintes qui fument qu'il est préférable qu'elles fument 5 cigarettes par jour. C'est monstrueux pouvoir dire ça à une femme enceinte, à la fois pour la santé de la femme et pour la santé de l'enfant à naître. Le paquet neutre, justement, est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui permet justement de limiter la consommation? Alors, le paquet neutre, c'est efficace puisqu'il y a eu une baisse de 2,2% en 2017 des ventes en volume de tabac, alors que l'année précédente, c'était 1,1%. L'objectif du paquet neutre n'a jamais été d'amener les fumeurs à arrêter de fumer, c'est de prévenir l'entrée en tabagisme. Donc, les résultats sont sur le moyen terme. Claude, tu réponds ? Je ne me prononce pas sur le sujet. D'accord, ok. Non, mais ça ne nous concerne pas, en fait. Enfin, oui, non, mais on peut avoir un avis personnel, en tant qu'association. C'est Michel, important, l'avis des Michel, associations. Pour toi, le paquet neutre, est-ce que, justement, au niveau de l'association, ça, est-ce que tu ressens que ça permet de limiter l'accès, enfin, la consommation? Ben, pas tellement, parce que dans l'association, on a ou des non-fumeurs ou des fumeurs assez âgés, donc qui sont déjà dans le tabac. Qui sont déjà dedans. Ouais. Ben justement, s'ils sont déjà dedans, ça peut être quelque part, les budgets comme les retraites, elles diminuent, on touche au porte-monnaie, ça peut faire mal. Allez, une dernière petite question pour la route. Est-ce que la législation en termes sur le vapotage est en cours d'évolution? Quelles seraient les mesures qui devraient être mises en place pour nécessaires pour le vapotage, pour la cigarette électronique? Alors, il y a deux sujets. Il y a la cigarette électronique comme moyen, comme un, j'insiste toujours là-dessus, un des moyens, pas forcément tout seul, et pas à l'exclusion des autres, pour arrêter de fumer. Tant qu'on peut aider, on le fait. Moi-même, je participe à des groupes qui aident des gens à arrêter de fumer, avec ou sans, mais je les aide plutôt avec, parce que c'est ce que je connais, le vapotage. Deuxièmement, le vapotage est un produit de consommation courante et nous défendons le droit des gens comme moi qui ne sont plus fumeurs, pas fumeurs, et qui ne veulent pas être embêtés par des mesures qui ne les concernent pas. Professeur, très vite, aucune preuve, on va dépasser. Aucune preuve objective actuellement de l'efficacité du vapotage pour arrêter de fumer. Maintenant, simplement un mot sur le vapotage. Oui. Vous êtes les associations de vapoteurs bien sympathiques. Vous défendez l'industrie indépendante du vapotage. Je vous informe que l'industrie indépendante du vapotage, c'est bientôt fini. C'est les industriels, les quatre grands salopards qui vendent du tabac, qui ont racheté et qui rachètent. Et eux, leur objectif, je l'ai dit tout à l'heure, faire du profit en vendant soit du tabac, soit de la nicotine. Ça revient au même. Mes amis, merci beaucoup pour... nous arrivons à la fin de l'émission. C'est juste en France, 90% de ventes de cigarettes électroniques qui ne sont pas liées aux industriels. Et c'est important. Eh ben, je vous invite avant à une prochaine émission pour venir en parler. Merci Monsieur Claude Bamberger, qui est président de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Merci professeur Yves Martinet, qui est pneumologue à la retraite, président de l'association... national contre la lutte du tabagisme, contre le tabagisme. Comité national contre le tabagisme. Allez sur notre site CNCT. Merci Michel aussi, président de l'Association des insuffisants respiratoires de l'Aisne, mais aussi de la Fédération française des associations amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires. Merci Michel. Et merci aussi à Victoria qui a participé à cette émission, qui a bien travaillé dessus et qui était d'une aide précieuse. Chères auditrices, chers auditeurs, on a débordé un tout petit peu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Libre-Échange. D'ici là, portez-vous bien. Libre-Échange, Sylvain Blondin.